Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon. Stephen King on the Radio. Tony? Episode 1. I'm scared. On est dans le Maine, dans l'état de la Nouvelle-Angleterre, à l'extrême nord-est des États-Unis. Marguerite Yourcenar a vécu ici de 1950 à sa mort dans une petite maison sur l'île des Monts Déserts. Mais aujourd'hui, il est question d'un écrivain américain qui habite dans cette même région. Il y est né 3 ans avant l'installation de Marguerite Yourcenar et il a sa maison principale à Bangor sur West Broadway. Il n'est pas français comme elle et encore moins académicien. Il est seulement connu pour ses livres terrifiants et son succès interplanétaire. Au début du 21e siècle, il totalise 200 millions de livres vendus, traduits en 40 langues. Et Bill Warren, un critique de cinéma, l'a même surnommé l'homme le plus célèbre de la Terre. Son nom est King, Stephen King. King, comme le roi de l'horreur. On est un dimanche. Le 19 juin 1999, il est 4h de l'après-midi et il fait très chaud. On voit Stephen King qui marche sur le bas-côté d'une route déserte, la route 5, Road 5. Il a une maison de vacances pas très loin. Ici, il y a beaucoup de côtes rocheuses et dentelées, et des montagnes basses et vallonnées, et des immenses forêts, mais quand il se promène seul, il préfère la rase campagne. Au bout d'un kilomètre, la visibilité se rétrécit à cause d'une côte. Et quand il arrive aux 3/4 du raidillon, il entend un bruit de moteur. Quelques secondes plus tard, il aperçoit un van Dodge bleu. Quand il se rend compte qu'il lui arrive dessus, il esquisse un mouvement sur la gauche pour l'éviter. Mais c'est trop tard, le bolide est déjà sur lui. Stephen King est fauché. Il rebondit sur le pare-choc et son crâne percute le pare-brise. Il est projeté à 4 mètres de hauteur et retombe dans le talus. Il est étendu sans bouger. Ses jambes et son bassin sont disloqués. Il pisse le sang. Quand il relève la tête, il voit l'arrière du van. Les feux et la plaque minéralogique sont sales. C'est lorsqu'il aperçoit le chauffeur assis sur un rocher avec une canne qu'il prend conscience qu'il a eu un accident. L'homme s'appelle Brian Smith. Une ambulance est en route et un policier du comté arrive. Stephen King sent qu'il s'évanouit lentement. En un éclair, il a la sensation qu'il va mourir et une étrange vision lui apparaît. Sa vie se met à défiler comme si c'était un film. C'est un phénomène répandu. Les psychiatres l'appellent « near-death experience », ce qui se traduit en français par « expérience de mort imminente ». La mémoire du sujet repasse à l'envers, les souvenirs autobiographiques à une vitesse ultra-rapide. C'est comme si la conscience tentait, une dernière fois, d'échapper au naufrage du corps. Une dernière fois ? Pas vraiment. Parce que Stephen King ne mourra pas aujourd'hui. La preuve, 4 ans plus tard, en 2003, il mettra en scène cet accident dans le 7e volume d'une épopée d'un millier de pages, La Tour Sombre. Il écrira à la 3e personne « Stephen King pouvait être assis devant sa machine à écrire le matin du 19 juin, frais et dispo, et la seconde d'après, boum, couché à la morgue, le soir du même jour, 8 ou 12 heures englouties en un clin d'œil, et sa famille endeuillée, assise sous un rond de lumière, a essayé de décider quel genre de cérémonie Stephen King aurait souhaité, partant du principe que ce ne serait pas dans son testament, essayant même de déterminer où il aurait aimé être enterré. Et la tour sombre ? la version de la tour sombre par Stephen King? Des images et des sons, surtout des sons, se succèdent dans sa tête. Un premier souvenir surgit, puis un second et un troisième, ainsi de suite. Quand ça commence, Stephen King est un enfant. Il a 3 ans, il est chez sa tante à Durham. Il est en train de soulever un parpaing dans un coin du garage. Il joue à l'Hercule du Ringling Brothers Circus. Il s'imagine revêtu d'un maillot en peau de léopard devant une foule nombreuse qui retient son souffle. Il croit qu'il est au centre de la piste aux étoiles, sous la lumière d'un projecteur d'un blanc bleuté éclatant. Mais soudain, des guêpes qui ont un nid dans le parpaing l'attaquent. L'une d'elles le pique aux oreilles. Il lâche aussitôt le parpaing qui tombe sur son pied nu et lui écrase les 5 orteils. Il hurle de douleur et sa tante accourt. Ensuite, il revoit le visage de toutes les babysitters qui l'ont gardé jusqu'à l'âge de 6 ans et sa mère lui apparaît. Il s'entend lui demander si elle a déjà vu un mort. « Oui, » répond-elle. Ce jour-là, elle lui a expliqué qu'elle a assisté à la noyade d'une adolescente de 14 ans et une autre fois au suicide d'un marin. Puis, Stephen King se revoit à 7 ans. Il passe l'essentiel de son temps au lit à cause de différentes maladies infantiles comme la rougeole, une angine et des crises d'otite à répétition. Alors, il rate le cours préparatoire, mais il en profite pour lire 1 million de bandes dessinées en passant des aventures de Tom Swift et Dave Dawson, un pilote héroïque de la Seconde Guerre mondiale, aux récits d'animaux de Jack London. Ce sont les histoires de Jack London qui lui font le plus peur. À 8 ans, il fait son premier cauchemar. C'est horrible. Il voit distinctement le cadavre d'un homme pendu à un gibet en haut d'une colline avec des corbeaux qui sont perchés sur ses épaules et derrière lui, il y a le ciel d'un vert malsain qui est envahi de lourds nuages noirs. Sur le cadavre est fixé un écriteau avec marqué dessus Robert Burns et au moment où le vent le retourne, Stephen King découvre qu'il a son visage et qu'il est défiguré par les coups de bec. Puis, le cadavre le regarde fixement et il se réveille en hurlant. C'est à cette époque qu'il se met à écrire des histoires qu'il recopie dans les livres mot pour mot, mais en y ajoutant une description personnelle. Un jour, il en donne une à sa mère. Elle la lit attentivement et elle a un sourire teinté de stupéfaction parce qu'elle se rend compte que son fils cadet, Stephen King a un demi-frère plus âgé que lui qui s'appelle Dave, peut être très intelligent. Mais comme il lui avoue aussitôt qu'il n'a pas inventé cette histoire, elle lui répond « Écris ta propre histoire, Stevie, invente-en une toi-même, je parie que tu peux faire mieux. » Ce qu'il fait aussitôt. Les jours suivants, il rédige un récit de 4 pages qui met en scène 4 animaux magiques qui circulent dans une vieille voiture et qui viennent en aide aux enfants. Leur chef, un grand lapin blanc, s'appelle Mr. Rabbit Trick. Quand sa mère le lit, elle est heureuse des progrès de son fils. Puis, la famille déménage dans le Connecticut, à Stratford, dans un appartement sur West Broad Street, pas très loin d'une friche coupée en deux par une voie de chemin de fer et se terminant par un dépôt de ferraille. Alors, c'est là, à cette minute précise, qu'il se revoit en train de jouer avec Dave. Dave est lui aussi très intelligent. Il a un QI entre 150 et 160 et il invente une machine qu'il appelle Dave's Super Duper Electromagnet. On est en 1958 et maintenant Stephen King a 11 ans. Cette machine est un électro-aimant dont le but est de soulever des buicks, des wagons, l'idée étant de changer l'orbite de la planète. C'est aussi cette année-là que sa mère achète leur premier poste de télévision. Il regarde Robot Monster. Un type déguisé en singe court partout à la recherche des derniers survivants d'une guerre nucléaire pour les tuer. C'est un monde d'aventure en noir et blanc sur un écran de 35 cm qui l'inspire tellement qu'il se met à écrire des récits de science-fiction. Il en publie même un dans un fanzine, In a Half World of Terror. Traduction, dans un demi-monde de terreur. Puis, un jour, à Durham, il fait une découverte. On est en 1960. Toute la famille habite dans une maison à 500 mètres de chez sa tante Eslyn Pillsbury et de son mari Oren. Un après-midi, il visite le grenier. C'est un véritable musée familial. Surtout la partie située au-dessus du garage où est stationnée leur Chevrolet verte. Au milieu de toutes sortes d'objets, de vieux meubles et d'albums de photos, sur un plancher qui laisse voir le vide en dessous par une froide journée d'automne, Stephen King, qui a 13 ans, tombe sur une caisse de livres de poche datant des années 40 ayant appartenu à son père. C'est important parce que Stephen King n'a jamais connu son père qui s'appelle Donald Edwin King. Il a abandonné sa famille en 1949. D'ailleurs, dans ce même grenier, David avait déniché un jour une bobine d'un film que son père avait tourné à bord d'un navire. Il travaillait dans la marine marchande. Les deux frères avaient aussitôt loué un projecteur et ils avaient vu leur père pour la première fois, accoudé au bastingage, en train de lever la main, de sourire et de faire, sans le savoir, un petit signe à des fils qui n'étaient même pas encore nés. Mais pour le moment, Stephen King est en train d'ouvrir les pages de livres de fantastique et d'horreur. Surtout une anthologie avec des nouvelles de Frank Belknap, Zilia Bishop, et aussi un recueil de Lovecraft avec un cimetière sur la couverture et une répugnante créature verdâtre qui est en train de surgir de dessous une pierre tombale. Elle a de longues griffes et des yeux de braise. Derrière elle, l'illustrateur a dessiné un tunnel conduisant sans doute aux entrailles de la Terre. Alors, il se rend compte pour la première fois de sa vie que la littérature existe. Mais il a fait une autre découverte encore plus importante. Dans ses cartons, il y avait aussi des textes écrits par son père. Sans doute avait-il tenté de les faire publier dans les revues les plus populaires de l'époque, Blue Book, Argosy. Mais, devant les refus, il avait laissé tomber. Ce qui fait dire un jour à sa mère, « Ton père n'avait guère de suite dans les idées. » Seul jugement qu'elle ait jamais porté sur son mari. Très vite, Stephen King se fait offrir une machine à écrire. C'est une vieille Underwood de bureau au M ébréché et dont le haut s'envole. Il passe des heures à frapper sur les touches dans sa chambre sous les combles en s'aidant d'une dizaine, puis d'une vingtaine, puis d'une cinquantaine et pour finir d'une centaine de livres de poche alignés contre le mur en écoutant des 45 tours d'Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino. Maintenant, Stephen King a 14 ans et se rase deux fois par semaine. Maintenant, Stephen King a 16 ans et il reçoit des lettres de refus de rédacteurs de magazines avec des conseils du genre « N'agrafez pas vos manuscrits, pages libres et trombones, voilà comment il faut faire ». Et aussi d'autres lettres accompagnées de notes manuscrites encourageantes du genre « C'est bien, ce n'est pas pour nous, mais c'est bien ». Vous avez du talent, continuez à nous envoyer ce que vous faites. Il revoit précisément une lettre écrite avec un stylo à plume qui avait laissé de gros pâtés informes dans son sillage. Comme son frère est toujours aussi intelligent et qu'il s'ennuie au lycée et qu'ils ont passé l'âge de jouer au Dave Super Duper Electromagnet, Dave décide de créer une revue au lycée. Il l'intitule Dave's Rag. Ce qui veut dire « le torchon de Dave ». Contrairement à Stephen King, Dave a un bureau qui se réduit à une table confinée dans un recoin du sous-sol de la maison avec des murs de pierre pleins d'araignées entre la chaudière et le cellier. La revue est une combinaison de lettres d'information familiale et de feuilles de chou bi-hebdomadaires. Dedans, il y a des photos que Dave prend avec un vieux Kodak et qu'il développe lui-même dans une chambre noire qu'il a bricolée dans un placard qui empeste les produits chimiques. Elles sont remarquables par leur contraste et leur composition. Il y a aussi des événements sportifs, des jeux et des prévisions météo, des recettes de cuisine et un feuilleton. Oui, un feuilleton dont l'auteur est justement Stephen King. Il revoit précisément l'encre violette des premiers numéros obtenus grâce à une machine à hectographe jusqu'à ce que Dave passe au stencil. il se souvient exactement comment la revue est imprimée. Les stencils sont fixés sur un tambour à presse badigeonné d'encre puante et poisseuse, et il faut tourner une manivelle, ce qui permet d'imprimer en deux soirées, ce qui prenait une semaine avec l'autre machine. Mais, comme Stephen King est trop absorbé par l'écriture de son feuilleton et qu'il commence à se passionner pour le cinéma, il ne s'intéresse pas à ces questions. Maintenant, il a 17 ans et il revoit deux salles de cinéma de la ville de Lewiston, qui est une ville voisine de Durham. L'Empire et le Ritz, situés à chacune des extrémités de Lisbon Street. Il va surtout au Ritz, parce qu'il n'y passe pas de films aux histoires prévisibles comme les dessins animés de Disney, ou les épopées bibliques, ou les comédies musicales, mais des films d'horreur. C'est là qu'il voit « J'ai épousé un extraterrestre, les anges sauvages, une femme en cage, l'attaque de la femme géante ». Mais ses préférés restent les films d'American International, qui sont réalisés par Roger Corman et qui ont des titres empruntés à Edgar Poe parce qu'ils sont basés sur des histoires de l'écrivain américain. Le Corbeau, La Malédiction d'Arkham, Worm le Conquérant, Le Masque de la Mort Rouge, mais surtout Le Puits et le Pendule, sur un scénario de Richard Matheson. Filmé en Technicolor et utilisant un style gothique classique, il est le dernier grand film d'horreur tourné en studio avant La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Stephen King dit que la meilleure scène est celle où le personnage principal creuse un mur du château pour découvrir le cadavre de sa sœur qui a été emmurée vivante. Gros plan sur la tête du cadavre, filmé à travers un filtre rouge et une lentille déformante, qui étire ce visage en un monstrueux cri silencieux. Alors qu'il rentre chez lui après la séance et qu'il marche pendant une dizaine de kilomètres dans la nuit, parce que les voitures sont parfois rares sur la route Lewiston-Durham, il a l'idée d'écrire un livre qui raconte le puits et le pendule. Voilà. Il décide de le novéliser, suivant l'exemple des éditions Monarch Books, qui avaient novélisé des classiques comme Jack l'Éventreur, Gorgo ou Konga, et en plus de l'écrire, il l'imprimerait sur la presse de Dave et en vendrait des exemplaires au lycée. Il écrit un texte de 8 pages en 2 jours, directement sur les stencils. Interligne simple, pas de retour à la ligne, recto verso, comme dans un vrai livre, plus une page de couverture sur laquelle il dessine un pendule rudimentaire d'où dégouline de l'encre noire pour donner l'impression du sang. Il invente même un nom d'éditeur, VIB, pour Very Important Book, ce qui signifie livre très important. Il le tire en 20 exemplaires et espère tout vendre pour amortir les stencils qui reviennent à 1,79$ et le papier, et faire aussi un bénéfice qui corresponde à un ticket de cinéma au Ritz. Chaque exemplaire coûte 40 cents. Tout est vendu en quelques jours et c'est son premier best-seller, bien avant Shining en 1977. Mais comme il le vend aussi au lycée, il est convoqué au bureau de la principale, Miss Hisler, qui lui fait remarquer qu'un lycée n'est pas une librairie ni un marché et que ce texte est stupide. Il revoit cette femme avec un exemplaire du livre à la main. Elle lui dit qu'elle ne comprend pas ce qui peut le pousser à écrire des bêtises pareilles et qu'il gâche son talent. Alors il ne répond pas et il ressent pour la première fois la honte d'écrire. Ce qui est une expérience intéressante dont il tirera cette conclusion. Si jamais vous écrivez, ou peignez, ou dansez, ou sculptez, ou chantez, peu importe, il y aura toujours quelqu'un pour essayer de vous faire croire que vous êtes un minable, c'est tout. Mais ce n'est pas tout. Miss Hisler l'oblige aussi à rendre l'argent qu'il a gagné avec le livre, ce qu'il fait sans discuter. Mais, comme chacun veut garder le livre parce qu'il est passionnant et qu'il rembourse tout le monde, cette affaire le ruine. Peu de temps après, comme il continue d'écrire son feuilleton dans le journal de Dave, le bruit court qu'il a de l'expérience dans ce domaine et on lui propose d'être le rédacteur en chef du journal du lycée, The Drum, le tambour. Il est aidé par Danny Immond, qui ne s'intéresse qu'aux filles. En effet, comme le local du journal est installé juste à côté des WC des filles, Danny n'arrête pas de faire des allusions du genre « Un jour, je vais devenir fou et m'ouvrir un chemin à la hache dans le mur », en répétant plusieurs fois de suite « À la hache, à la hache, à la hache !» Ou du genre « Tu te rends compte, Stevie, que les plus jolies filles du bahut relèvent leur jupe là, derrière ?» Mais sous sa direction, The Drum ne prospère pas, parce qu'il a tendance à alterner de longues périodes de fainéantise avec des périodes de travail frénétique, alors qu'un journal demande beaucoup plus de constance. Il sort un seul numéro aussi épais qu'un annuaire téléphonique et arrête aussitôt. Mais ça lui donne une idée qui l'emmène une fois encore dans le bureau du principal. Il crée un autre journal satirique, The Village Vomit. Sa devise est « Toutes les merdes qui collent au talon ». Dedans, il manie un humour stupide entre Swift et Mark Twain et invente des potins et des rumeurs sur les élèves et les profs du lycée. Dès la parution du premier numéro, tout le monde se l'arrache et c'est la crise de rire assurée à cause d'articles consacrés, par exemple, à un prof qui possède une entreprise de produits laitiers et qui raconte l'histoire des vaches de race Jersey qui gagnent un concours de paix à une foire aux bestiaux. Ou consacré au prof de sciences naturelles qui est mis à la porte du lycée pour s'être enfoncé des yeux de porcelet dans les narines. Très vite, le journal est confisqué et une prof de sténodactylo, Miss Markitten, s'acharne particulièrement sur lui parce qu'elle déteste les garçons. Elle est lesbienne. Elle demande même son exclusion temporaire. Dans le bureau du principal qui s'appelle Mr. Higgins, lui-même est épinglé avec désinvolture dans le journal comme boule de billard parce qu'il est chauve, il est face à elle et doit lui faire ses excuses pour ne pas aggraver son cas. Elle est surnommée Maggot par les élèves, ce qui veut dire asticot, et il a révélé ce sobriquet à tout le lycée à l'occasion d'une note. Miss Margitan, bien connue sous le sobriquet de Maggot, etc., etc. Stephen King est collé une semaine. Alors, pour la première fois, il découvre qu'il est impossible de faire du charme à une telle femme. Peut-être qu'il s'en souviendra quand il écrira Misery, un roman qui raconte l'histoire d'un écrivain, Paul Sheldon, séquestré et mutilé par une ancienne infirmière. Fin du premier épisode. You've been listening to Stephen King on the radio. Demain, vous découvrirez comment Stephen King apprend à écrire de vraies histoires en suivant les conseils de John Gould, le rédacteur d'un journal sportif, et quel petit boulot il est obligé de faire pour payer ses études à l'université du Maine, et comment il rencontre sa femme, Tabitha Jane Spruce, avec qui il vit toujours, et comment le succès arrive en 1973 avec la publication de son premier roman intitulé Carrie. C'était Stephen King on the Radio de Christophe Fiat avec Jean-Pierre Calfon. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier et Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Laure Egoroff. We'll be right back. love you.